Portrait d'assaut sur Fadjet. À Nancy, l'association Ella Ça Roule recense les lieux publics et de loisirs accessibles aux personnes à mobilité réduite. Sa présidente, Hélène Armbruster-Schumer, est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de cette association qui est récente, elle est de 2025, je crois? Oui, elle est du 26 juillet 2025. Donc cette association est née parce que courant 2024, je suis allée dans un restaurant ancien rue des Maréchaux dont je tairai le nom. Donc j'avais réservé une table avec mon mari. On m'avait dit que c'était accessible aux personnes à mobilité réduite par une rampe d'accès. Quand on est arrivé sur le lieu, il n'y avait pas de rampe. Un des serveurs a dû nous porter, moi et mon mari, sur mon fauteuil pour accéder au restaurant. Bon, ben, évidemment, vous imaginez bien que la hype était retombée. Je me suis dit au cours du repas, non, ça ne peut plus durer. Donc, j'ai commencé par faire des petits reportages via mon compte Facebook, mon compte personnel. Et quelqu'un qui connaissait bien les réseaux sociaux m'a dit, mais Hélène, c'est bien ce que tu fais. Mais le problème, c'est que tu n'as pas de visibilité. Lance-toi sur Instagram. Donc j'ai créé un compte Instagram à la suite de ça. Donc mon mari a suggéré qu'il fallait, pour avoir plus de crédibilité et de visibilité, le transformer en une association. Parce que quand vous allez sur des lieux de tournage et que vous dites que vous êtes influenceur handicap, on ne vous prend pas au sérieux, notamment les journalistes, etc. Et on ne peut pas faire les événements dédiés aux associations. Donc c'est comme ça que c'est lié. Réglementairement, tous les lieux qu'on appelle ERP qui accueillent du public, dont les restaurants, doivent normalement être accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est la législation normalement. Ils doivent adapter eux-mêmes leur lieu, quoi. Il faut savoir que normalement, il y a une enveloppe mise en place par l'État qui permet aux lieux accueillant du public d'être adaptés. Mais le problème, c'est qu'on vient d'arrêter la disposition de cet argent pour les lieux publics. Alors depuis donc 2025, l'association est créée, l'association Ella Ça Roule, donc c'est une page Instagram, c'est votre compte Instagram. Alors qu'est-ce que vous proposez dessus comme service? L'association s'articule autour de trois missions. La première mission, donc, comme vous l'avez rappelé, c'est de recenser les lieux de loisirs accessibles aux personnes à mobilité réduite, restaurants, commerces, services publics, et d'autre part, proposer des lieux sortis. Enfin, en fait, c'est un peu un guide du routard, en fait, pour personnes handicapées, et de proposer à travers Nancy et l'agglomération nancyenne les expositions, les conventions, les festivals, tout ce qui se fait pour sortir, afin de peut-être élargir les horizons des personnes en situation de handicap et de rompre ainsi leur isolement. Parce qu'on s'est rendu compte au cours d'interventions au niveau de foyers accueillant des jeunes en situation de handicap que la plupart d'entre eux ne savaient pas ce que c'était qu'un cinéma à l'âge de 20 ans. Je trouve ça triste, moi je trouve pas ça normal. Et deuxième mission, c'est aussi de promouvoir l'inclusion des personnes à mobilité réduite pour que ces personnes puissent faire entendre leur voix et prendre part à la vie citoyenne, être citoyen et citoyenne à part entière. Par exemple, on a fait la marche Octobre Rose à Saint-Max l'année dernière. En fait, on a discuté avec les élus et on s'est aperçu qu'il y avait un parcours, donc on a fait le parcours normal, ce qui était 4 km en fauteuil roulant manuel. Et donc en fauteuil roulant manuel, c'était pas possible. Parce que d'une part, le chemin était accidenté et deuxièmement, 4 km en fauteuil roulant manuel, c'est pas possible au niveau de l'endurance. Donc là, on a discuté avec les élus et donc cette année, ils vont étudier un autre parcours à faire plus court pour les personnes à mobilité réduite. Mais ils pouvaient pas se rendre compte vu qu'il n'y avait pas jusqu'à présent de personnes se déplaçant en fauteuil roulant manuel qui l'avaient fait, ce parcours. Donc si les personnes handicapées ne sortent pas, comment voulez-vous que les valides se mettent à notre place et rendent accessible ce qu'ils font. Et troisième mission, c'est de répondre à toutes les questions des personnes handicapées, quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau du travail, de la santé, avoir des contacts de médecins sur la vie intime, dossier MDPH, logement, essayer de répondre donc à ces questions et si on ne peut pas y répondre, les orienter vers les services qui, eux, seront plus habilités à le faire. Vu que notre association, dans notre association, nous ne pouvons pas sphère du juridique, donc c'est plus dans le conseil. Hélène et Mickaël, car vous êtes deux au sein de cette association, et là, ça roule. L'association a moins d'un an d'existence, vous avez des projets ? Eh bien, les projets, c'est surtout de recruter, enfin, entre guillemets, des bénévoles qui pourront parler de notre association et qui, quand on fait des salons, parce que quand on tourne, donc on met les commerçants aussi en avant, les exposants de conventions, et quand on fait des reportages, des photos et tout ça, on ne peut pas en même temps faire les photos, tourner et tout ça, comme lors de gros événements comme Animest. Donc on ne peut pas en même temps donner les cartes, récapituler l'émission au niveau des commerçants pour nous faire connaître. Et ensuite, quand nous on fait des stands lors de forums d'associations, on aimerait bien qu'il y ait des gens pareils qui aillent chercher les gens et qui nous les amènent pour que nous on puisse parler plus longuement de notre association. Et aussi, accessoirement, on cherche aussi des personnes valides qui puissent nous aider à la pousser dans des endroits très ardus au niveau de la propulsion du fauteuil, comme par exemple les serres. On couvre régulièrement les expositions du jardin botanique et vous n'êtes pas sans savoir que les serres du jardin botanique sont très ardues au niveau de l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc vous recherchez aujourd'hui des bénévoles pour différentes missions. Voilà. D'accord. Et on peut bien sûr vous soutenir en allant suivre notamment votre page Instagram. Hein. Donc Ella, ça roule. C'est Ella, H-E-L-A, CA, roule, R-O-U-L-E. Il y a aussi Facebook aussi. Mm-hmm. Donc c'est Hélène Ambrouster. Et il y a aussi YouTube, asso-ella, ça roule. Il y a aussi mon LinkedIn, parce qu'on cherche aussi des structures qui voudraient nous entendre parler pour sensibiliser les jeunes et les personnes en situation de handicap. Et aussi, on cherche des commerçants ou des établissements recherchant du public qui nous inviteraient à tester gratuitement leur établissement et éventuellement couvrir leur exposition, en fait. Et c'est totalement gratuit. Et puis nous, ça nous fait de la visibilité. Eh bien, voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Hélène Armbruster-Schumer, pour la présentation de cette association. Elle, là, ça roule. Et on retrouve, bien sûr, toutes les infos pratiques sur le site internet de la radio, fadjet.net. Merci à vous. Merci, au revoir. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.